Tic-tac, tombe la pluie au dehors. Un ange dort. Chaque perle de pluie compose cette mélodie dans mon petit. Tic-tac. Tu effaces les âmes.